l'homme qui avait confiance en Dieu. Page 17. Abraham regarde avec tendresse sa femme qui prépare le repas. Sarah est âgée maintenant. Ses cheveux sont blancs, son visage est creusé de rides. Pourtant, elle n'a jamais eu l'air aussi jeune et tous ses gestes montrent la joie de son cœur. Abraham se souvient de tout ce qui leur est arrivé. Il y a des années, le Seigneur a demandé à Abraham de quitter son pays et sa famille et de le suivre vers une terre qu'il lui indiquerait. Et le vieil homme a obéi. Il a emmené avec lui sa femme Sarah, son neveu, tous ses serviteurs et ses troupeaux. Il ne savait pas où il allait, mais il avait confiance dans le Seigneur. Dieu lui montrerait la terre qu'il lui avait promise. Abraham et les siens marchèrent longtemps. Chaque jour, ils formaient leur campement qu'ils démontaient au petit matin pour reprendre la route. Et puis un jour, le Seigneur dit à Abraham : « Voilà le pays que je donnerai à ta descendance. » C'était un pays de montagnes arides, au pied desquelles s'étalait une longue plaine fertile. Aussitôt, Abraham installa toute sa famille à l'endroit où le Seigneur lui avait parlé. Puis il dressa un autel pour lui rendre gloire. Alors, Dieu lui fit cette nouvelle promesse. « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. » Une fois de plus, Abraham reçut cette promesse du Seigneur avec confiance. À l'époque, il ignorait comment cela serait possible, car Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a cru. Et aujourd'hui, Abraham sait que la promesse du Seigneur est sur le point de s'accomplir, car Sarah attend un bébé, à un âge où plus personne n'aurait osé lui souhaiter ce bonheur. Sa femme va avoir un fils, et lui, Abraham, sera le père d'une multitude. « Rien n'est impossible à Dieu, » répète le vieil homme. « J'ai confiance en lui. » Sarah se redresse, pose la main sur son ventre arrondi et regarde son mari en souriant. « Je crois qu'il sera bientôt là, » dit-elle doucement. Abraham répond à son sourire. « Quelle merveille ! Dieu est grand !» s'exclame-t-il. « Quand je pense que j'ai ri lorsque le Seigneur t'a promis un fils, » se souvient Sarah. « Cela semblait tellement impossible. » Il y a quelques mois, en effet, trois voyageurs se sont arrêtés sous un chêne à l'entrée de la tente d'Abraham. Le vieil homme reconnut le Seigneur dans ses visiteurs. Il accourut jusqu'à eux, se prosterna et leur dit « Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter chez ton serviteur. Sois le bienvenu chez moi pour te reposer et reprendre des forces. » Alors, Abraham leur apporta du pain, un veau gras et tendre, ainsi que du lait et du fromage blanc. Et il se tenait devant eux pendant qu'ils mangeaient. Ils prirent la parole. « Je reviendrai chez toi dans un an, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah, qui était dans la tente et qui avait tout entendu, se mit à rire. « Comment pourrais-je avoir un enfant, vieille comme je suis ?» pensa-t-elle. Le Seigneur dit alors à Abraham. « Pourquoi ta femme a-t-elle ri ? Dieu n'est-il pas capable d'une telle merveille ? Dans un an, ta femme Sarah aura un fils. » L'année est presque écoulée et comme l'a annoncé le Seigneur, Sarah est sur le point de mettre au monde son enfant. Il naîtra sur la terre de Canaan, celle que le Seigneur a donnée à Abraham et à toute sa descendance. « Es-tu heureuse ici, à Canaan ?» demande Abraham. « Oh oui !» répond Sarah. « Et je le suis plus encore depuis que j'attends cet enfant. En nous envoyant ici, Dieu voulait notre bonheur. »« Dieu veut toujours notre bonheur !» répète Abraham. Sarah se tait et s'approche de son époux. Tous deux goûtent l'immense joie que Dieu leur fait. Quelques jours plus tard, Sarah met au monde un fils. Abraham lui donne le nom d'Isaac. L'enfant grandit. Abraham lui apprend à garder le troupeau, à dresser un campement, à reconnaître les plantes et à aimer Dieu. « Dieu veut toujours notre bonheur », répète-t-il souvent à son fils Isaac. « Il faut lui faire confiance ».